Le cantique croit seulement, numéro 52. Il m'a sorti. Mon cœur angoissé sous l'œil sévère de Dieu, dans la fosse sommée, péché m'avait plongé. De là-bas profond, j'ai crié au Seigneur qui tente ma main. Thank you. chanterai sa merveilleuse grâce pour moi. Je le louerai jusqu'à faire voir sa bonté. Je chanterai le salut chez moi. Et partout. Jusqu'à ce que tous entendent la parole. Il est témoigné. Il vous donne l'onction de prière, la force en parole, la puissance en votre témoignage, la bénédiction de ce que vous dites. Car il est le souverain sacrificateur de notre confession. Il a dit, toi confesse, toi témoigne, et moi j'appuierai. Jean chapitre 16, nous lirons à trois endroits dans Jean toujours, donc chapitre 16, chapitre 3 et le chapitre 9, toujours Jean. Les trois témoignages nous viennent de ce même livre de l'évangile pour la prédication de ce matin. Jean chapitre 16, le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas à moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Nzambi ekoyesa bino litomba soki na kolongwa. Po ete soki na kolongwa te, musungi akoyela bino te. Kasi, soki na kokende na kotindela ye epai na bino. Ekoya ye akopamela kabango mokili na ntina na masumu. Mpe na ntina na boyenge bene. Mpe na ntina na kosambisa. Na ntina na masumu, nzambi banyiminga ite. Nantina na boyenga ben nzambi na kokenda ke pai na tata mpe bakomona ngai bisusute. Nantina na kosambisa manzambi mokolo na mokili oyo asilinde kosambisa ma. Jean chapitre 3 à présent. Mwana mokapo misa le verset 14 à 21. Zela kotanga zo mina mina ikino na tumbale na moko. Jean 3 14 à 21. Mwana mokapo misa tu mulongo zo mina mina ikino tumbale na moko. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui aille la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il aille la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. Et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Père, le colamose, anetola kinyo kakati na lisobe, Moi, et si nous la carte de Mokili, nous avons ma poni molili, nous avons moi, pote misala na bango, ezali mabe. Zambi moto na moto oyo, azali ko salaka na yauli, ayini moi. Nke akoyaka e pai na moi te ete, misala na ye, miye bisamate. Ndeye oyo, azali ko salaka sembo, akoyaka e pai na moi ete misala na ye, mi moni sama, ete misala mi, kati na zambi. Maintenant, Jean chapitre 9. Ça s'est dit, Yohana Mokapo, verset 39 à 41. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi. Sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Yesu alobi ete, na yeyi na mokili mpona kosambisa, ete ba oyo bazali komona te ba mona. Mpe ba oyo bazali komona ba kufa misu. Ba falisai mususu ba oyo bazala kina ye elongo, ba yoki makambo yango mpe, ba lobina ye eti. Biso mpe, tukufimiso. Yesu alobina bango eti, soki bo kufimiso mbe bozali na masumote. Nde awa ezali bino koloba eti, tomoni bongo lisumo na bino leumeli. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Dieu merveilleux, notre Père céleste, Père de grâce, de bonté et de miséricorde, Père de gloire et de lumière, Dieu parfait et incomparable. Nous bénissons ton nom éternellement. Tu nous donnes ce souffle de vie, la grâce de vivre, la liberté de réunion, la liberté de mouvement, la force de nous déplacer, la force pour parler, la capacité d'écouter, la capacité de toucher, de nous serrer la main, de dire gloire à Dieu. Que cette réunion soit bénie. Du début à la fin. Que la prédication de l'évangile soit bénie. Du début à la fin. Que la parole soit délivrance pour les âmes. Le salut pour le cœur. Le pardon pour les coupables. La purification pour les êtres finis. Que cette parole agisse pour guérir chaque maladie. Console nos cœurs. Éclaire nos chemins. Donne gloire à ton nom. Et donne-nous la joie du salut. Être compté parmi tes rachetés. Qui chante ton salut. Chez eux et partout. Ouais, le prédicateur. De l'onction des services. Pour le service Ivan. Ouais, le traducteur. Pour être fidèle. Transmettre la même pensée. C'est la parole prêchée. Et cela suscite la foi dans nos auditeurs. Une foi salutaire. Nous chassons les démons. Les esprits impurs. Comploteurs contre la maison. Que la puissance de Dieu agisse sur les hommes pour confirmer que Jésus-Christ est vivant et que ce jour-là à Golgotha il a arraché pour nous une victoire éclatante. Brise les doutes, dissipe l'incrédulité, brise les faiblesses, Fortifie la foi des croyants. Suis-tu là dans ceux qui n'auront pas. Au nom de Jésus-Christ, notre véritable Dieu. Prions ainsi. Amen. Veuillez vous asseoir maintenant. Et nous rendons gloire à Dieu. Pour ce dimanche matin, alors que nous vous souhaitons une bonne journée dominicale et que la grâce de Dieu soit favorable à chacun de vous. Vous qui êtes disposés à écouter la parole du Seigneur, que la grâce de Dieu vous soit favorable, que Dieu vous multiplie ses faveurs. Nous aimons traiter avec Dieu parce qu'en vérité, nous n'avons pas mieux que lui. Il est l'être le plus indispensable. Alors, avant d'aller dans la prédication, j'ai notre précieux diacre qui a parti de Chicapa où il était. Il a envoyé un petit mot. Bon dimanche à tout le peuple du Dieu vivant. Jésus-Christ notre Seigneur. Au sein du tabernacle des chrétiens sur Sokwela. Riche bénédiction par la riche parole du Seigneur Jésus. Encore ce dimanche 7 novembre 2021. Il est parti depuis jeudi en mission de service. Pendant 2 semaines. Avez-vous reçu les bénédictions? Parce que je ne l'ai pas senti. Votre frère vous bénit. Et vous jouez au spectateur. Alors, nous allons continuer avec notre thème, c'est le baptême du Saint-Esprit. J'espère et je pense que vous aimez ce thème. Et que nous persévérons dans la matière de la parole. Mais avant de pouvoir avancer encore là, je dois signaler que hier j'étais au tabernacle de la pierre angulaire. Comme annoncé dimanche passé, nous étions là hier. Donc je suis arrivé à 17h35, j'étais prévu à la chaire à 17h45. Je suis monté finalement à la chaire vers 18h04. Et nous avons prêché pendant environ une heure du temps sur un petit sujet. Leur thème c'était la puissance des transformations. Mais nous avons été conduits à effleurer un petit sujet. On n'a même pas trop développé ça. Le temps c'était l'évangile des vies surnaturelles dans l'église de Dieu. L'évangile des vies surnaturelles dans l'église de Dieu. Ce petit sujet-là, je ne l'ai jamais prêché. Et pour que nous sommes au service de Dieu, partant du mois de mars 1994 jusqu'à présent. C'est la première fois de prêcher cela. Et l'évangile des vies surnaturelles dans l'église de Dieu. Et on a fait que fleurir un peu ça. Alors, nous avons dit, mais la réunion était prévue de 16h à 19h. Alors, 16 heures d'Iran, ils ont pris le temps pour chanter, pour faire ceci, et on réserve à la parole la dernière heure. Donc, soit le un tiers de la durée de la réunion. Et mon ça ne va pas, non? La parole doit prendre la majeure partie de la réunion. Alors, les chants, il y avait un claveliste là qui ne maîtrisait pas. Alors, vraiment, ça dérangeait vraiment beaucoup. Pour mettre comme la cacophonie, l'atmosphère que nous voulions avoir. Les écritures nous montrent, les chants ont leur place dans l'adoration. Dans le service divin. Lorsque le temple de Salomon était construit, tout a été fait d'après la parole. Selon le plan que Dieu avait révélé à Moïse et qui a été transmis à David. On a veillé à mettre chaque chose à la place qu'il faut. Parce qu'on ne construisait pas pour construire, mais on construisait pour plaire à Dieu. Quand on construit pour Dieu, on ne construit pas du tonga tonga. Il y a un plan, il y a un modèle. Il y a des directives à suivre. Voilà. Ils ont veillé à ça. Et Dieu était content. Parce qu'ils ont respecté sa parole. Mais avant qu'ils ne viennent manifester sa gloire, il avait fallu d'abord que les Lévites, fils de Kehat, qui appartenaient à l'ordre des chants, qui n'avaient pour travail que de louer le Seigneur, avec des instruments de musique, avec des vêtements sacrés, fassent d'abord chanter correctement au son des trompettes. Et lorsqu'ils ont commencé à chanter et que leur musique s'est exécutée, comme un accord, qu'il y avait une harmonie parfaite. Alors la colonne de nuée est descendue du ciel. Elle est venue entrer au temple par la porte orientale. Pour dire que Dieu agrée l'œuvre que les enfants de Dieu ont faite pour lui. Non seulement c'était construit selon le plan, aussi ils ont chanté correctement. Nous devons veiller à ça. Quand nous chantons pour Dieu, il ne faut pas chanter du yemba yemba, du yembela yembela. Il faut chanter d'après la révélation. Chantons ce que nous croyons, chantons la vérité de Dieu, honorant la parole du Seigneur. Voulez-vous ça? Parce que quand vous chantez mal et même très mal, le Saint-Esprit est attristé. Il vous laisse dans votre folklore, dans vos enthousiasmes, dans vos théâtres de chez vous. Alors, nous avions les frères Branham hier, dans ce petit sermon, pour insister sur l'atmosphère de foi. Et nous devons prier quand nous venons à l'église. Parce que nous n'y venons pas comme dans une soirée d'ensemble, mais nous y allons pour un service divin. Nous devons créer l'atmosphère de l'expectative. Où le cœur, les âmes s'attendent à Dieu. Voulant voir, le voir faire quelque chose dans les médias. Et avec ça, il n'y a pas de place pour les pas de danse. des démonstrations de gesticulation charnelle. Mais on doit amener les gens dans l'atmosphère des foi. Et l'insistance a été rappelée sur la musique tous. Nous avons le prophète avec ça. Musique douce. Si vous allez dans comme disait Frère Brenham, évidemment vous rencontrez, on vous met pour musique. Mon Dieu plus près de toi. Celui-là qui est venu pour la danse, il va se demander s'il va danser ou non. Bah oui, na isiga na yona pokwa na isiga mi bongi sete lelo na zake ndoko buka penza loketo. Oya wana. Nous avons encore une musique avec une autre mélodie. Pour voir que les choses surnaturelles de Dieu ne sont pas comme les mondanités qu'on a partout dans les assemblées des églises d'aujourd'hui. Simplement dit que quand nous chantions crois seulement cette mélodie-là, il voyait l'ange du Seigneur tressaillir de joie. Amen. Se réjouir en esprit. Wow, seulement. Bon, maintenant toi, ton corps peut bouger quand on chante quoi? Pour manifester le surnaturel. Les miracles, les prodiges, les réponses aux problèmes. Vous voyez, les mondanités qui sont entrées dans les assemblées, ça n'a pas de raison d'être. C'est ainsi que partout où il y a les enfants de Dieu, nous devons chasser les mondanités. Amen. Non, jamais collaborer avec ça. Lorsque Dieu est saint, il faut la piété et la crainte dans sa présence. Voyez bien aimé, c'était merveilleux. Frère Brenham m'a dit, c'est ça qui est le plus difficile à réaliser, produire cette atmosphère de foi. Parce que les gens viennent dans le folklore, ils viennent dans le formalisme, ils viennent avec trop de problèmes en tête, et ils veulent venir pour se soulager, et ils prennent le culte comme une partie de loisir. Et quand tout cela se déroule, il y a de quoi se demander, est-ce que c'est vraiment un service divin? Est-ce que c'est vraiment un service divin? Nous sommes venus occuper notre temps avec le Père. Et c'est là au nom de l'Église, au nom de l'Église. Dieu nous aide chaque jour à refléter les vertus de Jésus. Nous avons même dit que vous aimez toujours trop danser. Alors que les chrétiens, c'est celui qui est semblable à Jésus-Christ. Montrez-nous où dans la Bible Jésus, notre divin modèle, a exhibé un pas de danse. Pour que nous puissions reproduire ce modèle. Vous avez le passage, donnez-les. Voyez frère, si vous en avez, venez donner. Sommes les imitateurs de Jésus-Christ. Chassons les mondanités. Nous avons besoin, après avoir appelé les gens à venir à Christ à l'église, d'avoir un vrai maçon qui a la parole tranchante pour tailler toutes ces pierres là qui viennent et leur donner la forme de fils et de filles de Dieu. Nous avons besoin d'un vrai maçon qui a la parole de Dieu. Pas de compromis. Cognez le péché. Cognez les mondanités. Chassez les démons. Chassez les maladies. Taillez ces pierres-là. Pour qu'elles prennent la forme qui leur convienne dans le bâtiment de Dieu, dans l'édifice de Dieu. Et à la fin, on a fait la parole à l'hôtel. Il y a eu quatre âmes qui sont venues. Celles qui voulaient demander une réconciliation, se redonner à Dieu. Et celles qui voulaient s'engager pour le baptême d'eau. Et après ça, nous avons encore appelé les malades à l'hôtel. Plusieurs sont venus dans la ligne. Nous avons prié comme cela, sans imposer les mains, ni poser des questions de leur maladie, les invitant simplement à croire. Et la soirée a été bouclée. Pourquoi? Par la grâce de Dieu. Alors je vais faire connaissance d'un certain pasteur Paul Mouyembi. Était un familier de la famille du défunt papa de notre frère Kennedy. Il est un orphelin de père, vous savez. Alors lui aussi l'a présenté. Il a fait un petit commentaire sur nous et sur lui. Mais à la fin, il y a eu un pasteur là qui est venu, il est de Jubilé Tabernacle, un certain pasteur Joël. Il a dit, mais il est tellement ravi d'entendre cet évangile. Et puis il dit, mais c'est devenu trop rare vraiment aujourd'hui, ce genre d'évangile. Mais c'est ça le message que nous avions cru au début. Mais c'est devenu trop rare d'entendre ce genre de sermon. Il a pris le numéro, il a dit, je viendrai quand même. L'église c'est où? On a dit ça. Quand c'est Salomon le croire, il dit, je ferai un effort d'arriver quand même là-bas. Que Dieu vous bénisse richement. Parce que ce genre d'évangile, on l'entend presque. Que Dieu soit béni. Quelque part dans nos cœurs, il y a encore un peu de sincérité pour chercher la vérité. Et pour aimer l'ancien évangile. L'évangile, on ne le modernise pas. Amen. Nous devons les garder comme ça. Pour que si ça ressemble à une espèce d'antiquité, soyons fiers de ça. Et d'autres frères sont venus là dire, grand-père, que Dieu vous bénisse. Ils ont dit, grand-père, coco. Oh Jésus, c'est pas possible. Je vous dis, coco, nous sommes ravis. Hein? Nous sommes ravis d'entendre ça. Voilà, que Dieu soit loué. On a des grands-pères. Mais Dieu n'a pas de petits-fils, nous après. Il n'a que des fils et des filles. Mais nous, nous commençons à devenir des cocos. C'est terrible dans le message. Hein? Vous voyez ça? Oui. Les choses que nous faisons. Voilà, que Dieu nous aide. Alors, ça, c'est le petit déplacement d'hier. Alors, nous continuons avec notre thème. Le baptême du Saint-Esprit, nous devons commencer le troisième but du Saint-Esprit aujourd'hui. Les œuvres et les œuvres plus grandes qu'on a déjà vues, on a entendu, n'est-ce pas? Ça a été développé. On a clôturé tout ça. Alors, nous allons avancer pour terminer le thème du baptême du Saint-Esprit. Après ça, il y a un grand homme de Dieu qui va venir ici. Il va nous prêcher. La parole, c'est en continuité. Il va nous prêcher. Hein? Parole, c'est parole. On avance la parole. Alors, le but 3 aujourd'hui. Le but 3 du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? But 3. Pour convaincre. Non pas Israël ou le monde. Le but ici, parmi les nations, c'est pour convaincre le monde. Pour convaincre le monde au sujet du péché, de la justice, et du jugement. Le troisième but pour lequel le Saint-Esprit a été envoyé. Et vous avez vu le passage biblique qui reprend littéralement ça ici. Mot à mot, Jean 16, versets 7 à 11. Le verset 7, nous l'avons déjà un peu commenté en accord avec le premier but ici. Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour établir les demeures éternelles dans l'homme. C'est le choix de Dieu destiné aux élus du Seigneur. Mais Dieu l'envoie avec l'onction aussi. Le Saint-Esprit vient également comme une onction que Dieu déverse sur toute chair. Écrit dans Joël. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. L'onction vient pour tous. Mais le choix, c'est uniquement pour les élus. Et le but qui est dans le Saint-Esprit de Dieu, c'est d'établir une demeure éternelle. Jusqu'au jour de la rédemption, et par là de donner aux rachetés une sécurité éternelle. Êtes-vous des heureux qui disent Amen? Le deuxième but, on vient de le voir. Une forme de plusieurs pensées et sous-pensées de méditation. C'est le principe de la continuité. Le premier c'était la demeure, le deuxième c'est la continuité, et le troisième principe c'est la conviction, convaincre. Premier mot-clé, demeure, c'est Dieu. Deuxième mot-clé, la continuité de l'œuvre. Troisième mot-clé, convaincre le monde. La conviction, la persuasion du monde. Alors, dans le deuxième but, c'est pour continuer l'œuvre du salut divin au profit du monde entier, au profit de l'humanité. Et le troisième et dernier but, c'est le dernier. Après ça, le sujet de pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné, c'est la clou. C'est la manière dont le Seigneur nous l'a donné pour ce moment-là. Vous aimez ça? On a récapitulé un peu les grandes pensées, les méditations et tout. Alors on dit, c'est pour convaincre le monde au sujet du péché, de la justice et du jugement. Dieu n'a pas eu peur de le dire. Le Seigneur Jésus n'a pas eu peur de le dire. Il avait affaire à un monde d'incrédules, de rebelles, d'incirconcis, de païens. Il annonce cet objectif. C'est comme un défi. Il savait avoir affaire à un monde d'incrédules, de rebelles, de cacheurs et d'impies, de païens, de circonstances. Mais il annonce que l'Esprit de Dieu tiendra convaincre le monde. Oui frère, rien n'est impossible à notre Dieu. Ce qui paraît difficile, ce qui paraît très compliqué, notre Dieu est tout capable de les simplifier, de le réaliser. Voilà pourquoi nous devons croire que le Saint-Esprit est un esprit de missions impossibles. Mais il appelle des gens de nature incrédule à devenir croyants. Ce qui veut dire qu'il a le pouvoir de les changer. Quel que soit leur état d'impiété, d'égarement et de séduction, il a tout pouvoir de soumettre toute chose à son vouloir. Qui est capable de dire Alléluia? Alléluia. Nous avons un esprit tout puissant. C'est l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Et le Dieu Tout-Puissant est un Dieu tout-capable. Il va affronter des situations impossibles. Mais il les simplifiera et les résoudra. Qui peut dire encore Alléluia? Louange à Jésus-Christ. Dans toutes les générations. Et même ici parmi nous. L'esprit de mission c'est impossible. Des missions apparemment irréalisables. C'est le Dieu a annoncé la hardesse. Tu peux oser avec lui. Et quiconque croit en lui ne sera pas confus. Mais aussi croit seulement, il verra la puissance de Dieu. Il verra la puissance de Dieu. Quels que soient les problèmes qui pullulent sa vie. Qui domine sa famille. Rien n'est impossible à Dieu. Et là, quand pas, c'est pas dans un des athées. Même ton travail. Attends, comment ça l'a eu? Ton état professionnel au chômeur. Luc 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Et là, quand pas, c'est pas dans un des athées. Luc 1, verset 37. Nous, comme capoeur, car rien n'est impossible à et Dieu. Et là, quand pas, c'est dans un des athées. Disons-les tous ensemble. Tout en avant, monsieur M. Longo. Car rien n'est impossible. Ma camouille sur ma coquille au salement. Répétons-les encore. Oui, et pas une ensemble. Ma camouille sur ma coquille au salement. Encore une fois. Oui, et pas une ensemble. Ma camouille sur ma coquille au salement. Encore une fois. Encore une fois en les croyant. Encore une fois, les anges de confesser la parole de Dieu. Elle est la vérité dans la Bible, elle est la vérité dans la bouche. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Faisons sauter les barrières. Tant que vous chapez du péché, toutes les masses isolantes, déchirons ça. Il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu ça. Il faut que tu es emprisonné et que tu ne sortiras jamais de là. Oui, c'est pas ça, la télé, ton pandémie, ton pandémie. Que tu es bloqué, verrouillé, et tu ne peux pas t'en sortir. C'est un annonce que tu t'en sortiras. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Il ne va pas se faire dans un peu de la catégorie. Marc chapitre 9. Verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Yes, il y a Dieu d'un côté, il y a le croyant de l'autre. À Dieu, rien n'est impossible. Et à toi qui crois, tout est possible. Maintenant, quand François Nama prêche, en s'inspirant de ces passages, il formule ses commentaires ici. Rien n'est impossible à ceux qui croient. Et là, quand on passe à la question, pas d'ailleurs, on est en telle façon de relier le passage biblique. Rien n'est impossible à celui qui croit. Si tout est possible, ça veut dire que rien n'est impossible. Parce que même dans le langage des humains, il y a la loi du tout ou rien. Ce sont des concepts diamétralement opposés. Soit c'est l'un qui est valable, soit c'est l'autre qui l'est. Et quand l'un est valable, l'autre ne vaut rien. Amen. C'est la loi du tout ou rien. Une loi que les scientifiques exploitent même. Quoi, tout est possible. Soit rien n'est soit tout est possible. Soit rien n'est possible. La loi dit tout ou rien. En termes de possibilités. Si tout est possible, ça sous-entend. Et ça veut dire que rien n'est impossible. Amen. Car tout est possible. Pour s'opposer à rien n'est possible. Rien n'est possible. Pour s'opposer à tout est possible. Et les deux ne coexistent pas. Ne cohabitent pas. Ne se supportent pas. L'un est un, l'autre sort. Quand l'autre opère, l'autre est totalement bloqué. Tout est possible à celui qui croit. Et celui qui croit, il croit en un Dieu tout-puissant. Interrogez maintenant ce Dieu tout-puissant en qui vous vous confiez. Sur le nom duquel vous vous appuyez. Le nom que vous invoquez. Qu'en est-il de toi Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Et non, papa, c'est pas dans un des alakatés. Quand le croyant prend sa foi, il oriente la place en la bonne personne. Pas dans la chair humaine. Car maudit seul homme qui se confie dans l'eau, maudit seul homme qui prend la chair humaine pour l'appui. Et là, il est misérable dans le désert. Mais heureux l'homme qui se confie à l'éternel. Celui qui prend l'éternel pour espérant. Oh, je me sens vraiment religieux là. Religieux. Tout est possible, frère. Prenez Dieu pour espérance. Que ce soit votre réflexe. Amen, amen. Je me sens capable d'affronter le diable corps à corps. Mais il y a c'est par la parole que nous frappons. Cette parole a la force de l'épée de l'esprit. L'épée du grand roi. Taillez l'ennemi en pièces. Pour tailler l'incrédulité en pièces. Pour tailler l'injustice en pièces. Pour régler la question du jugement. Libérer le croyant de la peur et de la condamnation. Que le Saint-Esprit est venu régler ça. Jean 5:24. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit à moi, il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement. Le problème de jugement pour le croyant est résolu. Il n'a pas d'enfer à craindre. Tu n'as pas une prison à redouter. Pour toi qui écoutes les paroles du Seigneur, il y a déjà la vie éternelle. Il ne vient plus en jugement. Il est passé de la mort. Romains 8:1. La même parole dit qu'il n'y a donc plus aucune Amen. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vient convaincre sur les trois matières. Le péché résolu. La justice réglée. Un pécheur peut-il devenir saint? Oui, amen. Un impie, un rebelle déclassé peut-il être sauvé? Oui, amen. Est-ce que quelqu'un qui est né tout dans le péché, injuste, peut-il devenir injuste devant Dieu? Oui, amen. Gloire à mon Dieu vivant. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Et là, pas quelle que soit la profondeur de tes péchés, tes iniquités, tes rébellions, tes rechutes, il a tout pouvoir de te sauver. Écoutez la bonne nouvelle, Dieu donne la vie éternelle. À qui? Amen. À des pécheurs indignes, déclassés, qui ne valent rien, mais ils donnent la vie éternelle. Car de même que Moïse avait élevé le serpent de l'eau des airs, il faut même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui, il a la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils On a nouvelle vous qui n'espérez plus. C'est tout plus. Je donne la vie éternelle par le sang de Jésus. Écoutez-la. Je vous donnerai du repos. Ce sont les paroles du Sauveur. La coupe amère est des souffrances que vivons. Rédempteur Jésus est la coupe des délivrances pour les pauvres. Pour le roi, J'aime cet amour et j'y crois. Amour. Ok, ta galicie. Victime et mourir sur la croix. C'est pour ça que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, il a souffert hors de la porte. Il a accepté d'être rejeté pour que toi tu sois accueilli. Il a accepté d'être abandonné du Père pour que toi le Père t'accueille. Se revêtent la robe de la rédemption. Et que parmi les rachetés, tu aies ton rang. Et parmi les sauvés, ton nom figure là-bas. Christ a été fait notre sainteté, notre justice, notre rédemption. Il est notre sagesse aussi. Il est tout pour mon âme. Tout pour ma vie. Non, ça pas la Lisons quelque chose de Frère Brenham. Vous lisez quelque chose de Frère Brenham. Vous aimez, aimez-vous notre précieux Frère Brenham? Oh! Écoutez ceci, dans les sermons, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Prêché le jeudi 17 décembre 1959. Les paragraphes 28 à 31. L'histoire est si belle. Je ne peux tout simplement pas m'en détacher en ce moment. Vous connaissez la loi du rachat. Selon laquelle, quand Boaz, là je trouve c'est la traduction de Shekinah. Vous connaissez l'histoire de Ruth. Elle glanait dans le champ et elle a trouvé grâce aux yeux de Boaz. Et avant de pouvoir le pousser, il a dû racheter tout ce que Naomi avait perdu. Et le seul qui peut racheter la propriété perdue de Naomi, selon la loi du rachat, c'était un proche parent. Il fallait qu'il soit parent pour pouvoir racheter. Et c'était lui son plus proche parent. Et il a dit donner un signe public à l'extérieur de la porte. Ou une confession publique. C'est ce qu'il avait racheté tout ce que Naomi avait perdu. Et Boaz l'a fait en montant son soulier devant les anciens. Et il a dit, s'il y a ici quelqu'un qui a quelque chose qui appartient à Naomi, aujourd'hui je l'ai racheté. Alors, il était bien lui pour lui rendre ce témoignage. Il était préchaussé. Quelle belle image. Calvaire de mon Jésus. Calvaire. Il est monté à la croix, non pas avec les mouscarpines. Il est chaussures fermées. Il y est allé bien lui. Béni soit le nom du Seigneur. Et c'était en public. L'endroit le plus fréquenté du moment là. À une période de fête d'Égypte. Où plusieurs rentraient par la porte de Jérusalem. Devant tous les poissons. Père, ne les répète pas son péché, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et tu es bénéficiaire de ce témoignage. Un témoignage mémorable. Et c'est comme ça que Dieu a fait. Il a suivi ses propres lois. Dieu ne peut pas vous donner une loi à suivre et lui à suivre une autre. Il le suit ses propres lois. Alors Dieu pour racheter l'église est perdu. Le monde est perdu. Le monde est perdu. Notez bien, le monde, c'est le monde entier. L'ensemble des habitants du monde. Pour sauver le monde perdu. La création perdue. Dieu qui est infini en esprit. Pour racheter la race humaine. Dieu lui-même est devenu quoi? Un homme. Un fils qu'il a créé dans le sein de Marie. Et là, il a donné un signe. Ou un témoignage. À l'extérieur des portes de Jérusalem. Il a été élevé entre le ciel et la terre. Et il est mort et il a tout racheté. N'est-il pas écrit dans Jean chapitre 12? Et que moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Cela ne devait-il pas créer une attraction? Jean 12, verset 32. Et moi, c'est Jésus qui parle. Oh là là. Écoutez, Jean chapitre 12. Verset 31 et 32. Même jusqu'au verset 33. Suivez la pensée. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Suivez. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Le prince de ce monde doit être tout dehors. Laissez la place au fils du royaume. Laissez la place aux enfants de la maison du Père. Parce qu'un plus puissant que lui l'affronte pour nous. Jésus-Christ est son nom. Il est le Jéhovah de l'Ancien Testament. Lui Jésus-Christ dans les nouveaux. Voyez, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Ce sera une attraction surnaturelle. Une attirance surnaturelle. Et en parlant ici, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Mais qui avait pour but d'attirer tous les hommes. De te donner une occasion d'entendre l'évangile et faire tous les hommes doivent être concernés et Dieu ne ment point. Cette parole est vérifiable. Tous les humains ont été exposés à l'évangile dans notre âge ici. S'accomplit Matthieu 24 verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations pour servir de témoignage. Ce n'est qu'alors que viendra la fin. Nous voyons ça se réaliser. La RDC en tant que nation, est-ce que l'évangile du royaume a été prêché ici? Il continue à être prêché. Vous l'entendez maintenant même. C'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu, d'un Dieu qui veut régner sur l'ensemble du monde. Qui va renverser l'ordre du monde actuel. Établira un règne de mille ans et puis un règne d'éternité. Nous le prêchons et nous le croyons avec force. Il a dit dans Marc 16 au verset 15. La dernière commission de Jésus à l'église. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira et qui sera sauvé. Non, c'est lui qui croira et qui sera baptisé et sera sauvé. Et c'est lui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16, verset 15 et 16, les deux versets. La commission est donnée pour qui? Allez par tout le monde. Allez dans le monde entier. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La création des animaux. Lorsque j'ai affronté les crocodiles là-bas dans la rivière Égypte, j'ai prêché la bonne nouvelle aux crocodiles. C'est facile à voir. Je lui ai exhibé l'autorité de la foi chrétienne. L'évangile prêché. Il y avait une personne sorcière, une sœur là, qui faisait semblant, qui a troublé, pensant mais foutre dans le ventre du crocodile. Mais celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a un Dieu qui protège, hein? Un Dieu qui délivre, même des batailles difficiles, Amen. Même des missions impossibles. Nous sortirons de la vainqueur. Je te parle par la foi frère. Croyez Dieu. Lorsque les serpents sont venus là-bas, les serpents venimés à croquettes, et que 13h de la journée, sous le soleil, ils viennent se tenir devant moi, retourna sa queue, redressa sa tête, c'est quoi pour menacer? Pendant que moi j'étais là méditatif, regardant la fenêtre, lui sort la tête pour me payer. Mais il a eu affaire à quelqu'un qui ne se laissait pas intimider. Que tu sois le serpent, croquette ou quoi, créature de mon Dieu. J'ai dit, va-t'en ici. C'est lui qui a esquivé. La parole de lui, il a esquivé. A petit mot. Bibini banda, bam, à côté ça. En plein moyen, Zamba, Abungikuna, il a créé la mort. Lui qui me menaçait de me jeter ses dents envenimées. Nous avons la foi pour affronter ça. Nous avons prêché l'évangile au serpent. Quand il est venu me mordre ici à la rivière Ndili, en plein service de baptême, nous lui avons prêché la bonne nouvelle. Bisso, poisson en vous m'avez bisoté. Aussi ma qu'il est tangi et qu'on sert à rien. La foi a réglé l'affaire. On n'avait pas besoin de médicaments. Il n'y a de quoi que ce soit. Lorsque le chien enragé m'a mordu, le chien qui avait la rage, d'un certain médecin qui aujourd'hui est mort, hein, nous avons prêché la bonne nouvelle au chien. Et nous le prêchons à vous aussi les humains. Si vous ne voulez pas reconnaître la puissance de Dieu, les crocodiles vont témoigner, les serpents vont témoigner. Aussi, il y aura des trônes blancs, ces créatures comparaîtront à notre faveur, pour dire que notre témoignage est vrai. Si vous vous demeurez incrédule, c'est tant pis pour vous. Dieu a tout enregistré. Je dirai au Seigneur, sortez la vidéo. Du service de baptême en 1998, là-bas dans les eaux d'Égypte. Le crocodile sera bouche bée. N'est-ce pas yo qui a crié ici? Qui s'est passé qui a soulevé la queue? N'est-ce pas toi? Bouche bée. Même les gens de science au fil viendront, c'est le bouche bée. Vous connaissez l'histoire d'un certain frère de Souzi? Il avait déjà cette médaille de rose quoi? Vous avez oublié? C'est un qui sent aussi. Cette médaille, il courait pour atteindre 12 médailles. Il a écouté l'évangile prêché ici. Hein? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a suivi après le sermon. Il a moni, na meka ba église belé, na moni touro na kokité. Na kota ba église na koisa ba pasteur, mais na moni na kokité. Sunga ngai. Na tika biloko yo. Na sana na kata okilitisme na rose croix. Una balaka biso we évoluera na ba grade fina numéro 12. Mais sina komina numéro 7. De magie. Oh non, mais je ne serai pas promené. Je n'ai que les 6 médailles. La 7e, je l'ai perdue et ça me trouble. Je lui ai dit, ok, écoute-moi bien. Va. tu avais habité à 40 km d'ici, Angelinga. Va là-bas, dans ta chambre à coucher. Fouille, va là-bas. Tu prends, tu entres dans la chambre, tu vas retrouver la septième médaille. Ok, mais si on a voulu aller ici, comment on a voulu aller là? Il dit, mais non, mais la maison s'est déjà écroulée. J'ai dit qu'au banc est à côté. Tu connais là où était la chambre. Va fouiller. Dès que tu vas soulever les briques, la médaille là va apparaître. Le monsieur a pris le transport. Il est parti. Okay. Parce qu'il m'a fait confiance. Okay. Arrivé là-bas au village, okay. Il a repéré la partie où il habitait. Okay. Il a soulevé juste deux briques. Okay. Les premières briques, il a soulevé. La médaille. Okay. Il a crié, c'est pas possible. Okay. On est avec le Saint-Esprit. Tout est possible. Il connaît les choses cachées, frère. Il connaît ce qu'a dit du passé. Il peut révéler ça, il peut révéler ça. C'est qu'il y a tellement de savoir plus comme vous dites. Cet homme bien passé. Nous sommes les cahiers. N'a pris le courage d'aller chercher le transport au parking. Il est venu sous forte émotion. En courant à pied. C'était le trajet de 40 km. 40 km et lequel y est à mon état de mouche et puis Bible et rose quoi et ce qui n'a pas un ami sans mon catholique n'a pas c'est quel est votre ou non mais il va te donner ça. Il est allé et le prêtre s'est exécuté. Toi aussi l'évangile a l'autorité du Seigneur. Quand on veut délier quelqu'un, je peux couper toutes les chaînes. Partout il y a des liens qui peuvent bloquer. Il a un grand ciseau sur la terre. Le caterpillar sur la terre. Je crois à la puissance de Dieu, frère. La Pentecôte est une réalité. Je suis un petit témoin de ça. Il m'a ramené la Bible et la grosse croix de la grosse croix. Et même la Bible et la frère Paulin. On a appelé le frère. Venez vivre les merveilles du Seigneur. Mais je ne veux pas la baptiser aussitôt. Je dois d'abord le suivre. La famille. On a dit, frère David est compliqué. Mais le dossier a été placé sur notre. Pourquoi vous ne voulez pas faire confiance? Je suis venu chercher ça. Derrière moi, on s'est précipité, on a baptisé le frère. Il ne parlait pas encore. C'est égalité. Oh non, mais il est déjà frère, il a déjà cru, vous voulez encore quoi? Ce n'était pas le temps. Il a dit à monter. Le travail est abîmé. Et conséquence, il avait eu une vie trouble dans l'église. Je leur ai dit, vous voyez ce que vous avez cherché? Il fallait avancer jusqu'à un niveau. Vous devez profiter de la présence de Ngaï pour lui. Il a déjà cru, on a même déjà brûlé les sacs de magie. Maintenant, vous voulez encore quoi avant de les baptiser? Baptisez-les seulement! Il ne faut pas abîmer le travail. C'est le travail de Moussala. Moussala, on va faire un gangon à l'Oyengeté. Attendez les consignes, suivez les directives. Oh mes amis, nous avons brûlé cette Bible, la grosse croix et les médailles, les sept médailles. Je les ai tenues comme ça, on a mis là. Moto. Accompagnez ce Christ. Amen. Le Seigneur Jésus, il est le vainqueur des nations. Amen. Il est l'autorité suprême de tous les esprits. Amen. Vous croyez vraiment? Amen. Vous croyez au Dieu de cet évangile que nous faisons? Il vient pas en parole seulement. Amen. Mais avec démonstration. Amen. L'occultisme massif, c'était quoi? Amen. L'autre enfant ici dont vous avez parlé, il s'est le boulot. Moi, je suis sûr le boulot. Son père l'a sacrifié. Tata naïe akabati. Ah, akoufi. A tiki mission, le moninga naïe, pour babou maman de wata. A sacrifié. Balé et kaname. Ma poule kimbi. Libumu et bimbi. Moi na défiguré. Tosambe lipo naïe. Awa na libulu. Le dernier jour de la prière, moto moko mystique. Et tchoumbinda kouya moninga tata naïe. Oye luka kinde, kobo maman de wana. Un feu mystique dont l'origine n'a jamais été maîtrisée. Ah, la colonne de feu est une réalité, non? Les occultistes, ça va goyer, ça va goyer, mais ils sont en bon monde. Amen, amen, amen. Beaucoup de gens qui s'attendent, beaucoup de gens qui s'attendent, à colis mon ami sur la Bible. Je vous dis la vérité. Amen. je sais qui me garde. Ma vie est cachée en Dieu. Amen. Amen. Pas la preuve de sortir. Amen. Nous avons la foi restaurée. Par la grâce de Dieu. Maintenant, Tata Wana Sport, il a cambé nos sous. Donc on a dit qu'il y a une origine de la mystique. Aïe par le Wana, la tombe qu'elle est bangou. Pino, bango, mon nigan à Zayo, mon pali na yo. Pino, et la quoi est-ce que vous n'avez pas de cœur pour comment vous pouvez vous bénir à la magicien? La maman a dit, bisous, tu es venu dans le magicien. Tu es venu dans le pasteur Moko, tu es venu dans la spécialité, à t'engager dans la Bible, à t'aider dans le combat de Jésus, à s'emmener dans le combat de Jésus. À t'aider dans le combat de Jésus, à t'aider dans le à s'aller la prière et puis accueillir. Mais tu es venu dans le magicien. Bisous, tu es venu dans le combat de Jésus. Tu es venu dans la puissance de Dieu. Amen. Notre Dieu est un Dieu de feu. Amen. Moto. Moto y a malobaté, y a démonstration. Amen. Fire, fire. C'est quoi, bêtise? Faites ce que le Seigneur veut. Amen. Lui-même accomplira le miracle qu'il veut. Amen. Pour soumettre les démoniaques. Les confondre dans leur forteresse. Et ça va pas seul, la bichette à la bataille. Nous avons la super puissance héritée. Moi j'ai confiance. La foi est super puissance de Dieu. Écoutez, quelle bonne nouvelle. On dit même le message à Goulala pour une église. Il y a Gola, la Goliga, Zamba, Gosala, même dans deux ans. Zamba, ça, la Gamicolonios. Lélo, lélo, alors, Simba, et Sikayo, Lokama. Et Sikami, Mouabe, Lingayo. Motonaye, Siki, Sabaka. Amen. Amen. Le feu divin, le feu divin, le feu divin, le feu divin, le feu divin, le feu divin, le feu divin, le feu divin, le feu divin, le demain, Jésus, mon cœur le lot, avec ferveur, mon cœur le lot, avec ferveur, mon cœur le lot, avec ferveur. Alléluia, alléluia, Warasana, alléluia, alléluia, Warasana, alléluia, alléluia, Warasana, Warasana, alléluia, Warasana. Jésus revient, pour me chercher, Jésus revient, pour me chercher. Reçois-le, de ton cœur. Je le reçois avec bonheur. Recevez-les. Recevez-les dans votre cœur. Donnez-lui la place dans votre vie. La première place de soi. Vous l'aimez? Ndogo diable a tindé à pour y accouler dans la maille. Vous connaissez encore la petite histoire, non? Un sorcier. Un frère sorcier. Il pratiquait des cérémonies sorcelleriques de masturbation pour m'envoûter et me lier à une sœur rétrograde qui avait le sida. On a quoi en aïe, bon on a bel la sida dans le coffre. Hein? Donc il m'a dit qu'il y a un autre. Il dit la salawana pendant 2 ans. Azali kwa kola la nambe tu nda kuluka. Amen. La grâce de Dieu existe. Amen. C'est maintenant lui qui est allé témoigner. Frère Wana a véritablement ensemble. Mais boy pèse à toi. Mais pourquoi tu ne veux pas venir me donner ce conseil toi-même? Un lâche. Bon pèse à toi. Mukola ko pingwa ne sera ensemble tu kozoi bala moko. Soka mega mo tu sie bala moko. Atuka atuka sakadi. Mes chers amis, Dieu nous garde, hein? Amen. Dieu a les de nous a permis. Amen. Il y a mon connaître Kima. A qui Akima. Akima. Moukolomoko azouaka ka guitare na banda koutan se na mouana. Vous voulez vous guitare. A commencé mon mondouk et Dieu me l'a montré clairement. A banico pour chasser la bête dans ma tasse. Mais la puissance de l'aigle s'est emparée de moi. Amen. J'ai pris de l'air comme ça. Dans ma silique colo. Je commençais à les regarder. Lui en fait, je dis, oh, si, si. Je regardais, oh là là, c'est un tout petit là. Il n'a pas de niveau. Voilà. Et quand ça s'est vu comme ça, les jours suivants, je lui dis, mon ami, moi je t'ai montré l'amour et la gentillesse chrétienne. Pourquoi tu veux me détruire? Et sache que tout ce que tu fais est déjà dévoilé. Je ne saurais plus continuer à te former en guitare. Je t'ai montré beaucoup d'amour et de patience. Tu vas faire ton chemin. Tu as du niveau. Va avec le niveau de guitare que tu as là. Mais je ne veux plus continuer. Parce que Dieu ne veut pas que je sois en communion avec les démons. Amen. Au frère David, au niveau de Maraga démon, j'ai dit, Dieu ne veut pas que je sois en communion avec les démons. Amen. Tu es démasqué. Pourquoi t'as mis ton temps pour nous laisser trop de temps? Ne pense pas que mon Dieu ne voit pas qu'il est aveugle. Nous servons sincèrement. Il est un Dieu patient. Et il a un jour où il dévoile tout. Et il est parti. C'était fini. Mais un jour il m'avait raconté. Frère David, il y a une autre, ce qui n'a l'autre, il y a une autre. Et ça les malades. Mais il faut sembler la mise. Parce que namoni, faut tellement de pembe na mai boye. Et puis, vous n'avez pas de mai. Mai, même yo, to si mimi tout tolérié, frère David a koufié. Sambe la mingi, na lui, na ko sambe la pona yango te. Yonde mo loti no to wana sambe la yongo. Non, mais yo, zaka teti boye nengeni. Bazo me so toli, bazo te sere, zaka. Yo mo ko sambe la, moi je ne ferai aucune prière, moi. Yo mo ko na kando pona loti, sambe la yongo. Tu veux dire que je prie pour toi? Oui, si tu veux prier pour moi, prie. Mais moi, je ne prierai pas pour ça. Oh, le frère David, vraiment, on s'en va pas de tout ce que tu as. Frère, il faut se faire dire pour lui. Pas de dépôt, on sera bête là-bas, on est solo. Au coup, on est là, à Bangui-moi, et puis à l'obi, on va faire le jeûne, on va faire la prière. Mais où a-t-il enseigné nos arabes, oui? Je lui ai dit non. Allez prier pour lui. Et puis, il est parti, quand je l'ai dévoilé, il est parti. Un jour, je devais baptiser un pasteur de l'église Galière d'Am. Hein? Un ancien boxeur. Vous mettez la boutouille à carré. Hein? Et il insistait que je l'ai baptisé, mais je n'avais pas la conduite. Un jour seulement, il insistait, bon, j'ai dit, ok, on y va. Et chemin faisant, il commence à regretter. Oh non, il fallait caméra, ils allaient l'élo. Pour te filmer, ma cambo à l'élo. Je dis, mais toi, c'est quelque chose de candidat au baptême qui regrette, je veux avoir les caméras. C'est pour toi une fête ou quoi? Oh non, si tu continues comme ça, nous rebroussons chemin. On a lu le service de baptême. Parce que moi, je n'aime pas amener le bateau à baptême. Là, ça me sent jamais le wingé. Si tu veux le wingé, tu es un peu plus de temps. Où est-ce? Eh, pardon, pardon, pardon, frère David, tout est négat. On est parti. Nous arrivons à côté des sons. Je ne sais pas le ballon. La voix du Seigneur me parle. Sa petite épaule. Fais attention. Satan t'a tendu un piège, toi et la personne que tu vas baptiser. Keba. Oh. Mais il m'a pas dit quel était le piège. C'est quoi au juste? Elle ici, il demandait que vous voyez les caméras. C'est quoi encore ça? Ok, j'ai pris ma guitare, j'ai remis à un de mes frères élèves guitaristes. Je vais vous prendre d'abord. Sans que les femmes brusquent prier. La continue à la bonne. Sans que c'est sérieux. Mon état de somme. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne pouvais rien dire. Priez, Seigneur, et pardonnez. Ne laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du malin. Tout ça, je prie. Je consacre encore le service de baptême. Vous savez que je n'ai pas voulu ce service. Pendant longtemps, je ne voulais pas. Mais aujourd'hui, pour ne pas être une pierre d'achoppement, j'ai accepté de venir avec ce pasteur. Je ne sais pas qu'est-ce que le diable a préparé. Bon, je vais parler, mais tu n'as rien dit en détail. Donc, on a dit, mais je vais quand même pas. Je suis revenu. On a continué le service. Alors, j'ai stoppé la musique à un moment. La télévision musique. Et j'ai dit, bon, bientôt, on va aller baptiser. Je vois le candidat me dévancer dans l'eau. Il va déjà lui-même dans l'eau. Pendant que moi, j'étais encore au sol. Au même moment, c'est comme si on feuilletait la Bible devant moi, hein, comme une vision. Le livre ouvert, des pages tournent. Et puis, une voix dit, Jean était dans les eaux, il était en train de baptiser, et les gens venaient à lui pour être baptisés. Ce passage, en quelques secondes, qui s'est ouvert là. C'est comme si je lisais aussi ça même temps. Et je vois le frère aller dans l'eau. J'ai crié dessus mes forces. Toi, pars ici. Il est écrit. Jean était dans le fleuve baptisant. Et les gens venaient à lui pour être baptisés. Toi, tu vas à qui pour être baptisé là-bas? Il n'y a personne dans l'eau. Pars ici. Pardon. Il est arrêté. Ok. Gardez le calme, c'est là tout le frère du mur. Le piège est où exactement? Est-ce que c'était ça le piège? Mais le dit, moi t'as mon gars, je le vois. Vous pouvez devenir très attentif, c'est suspect. Mais ma Nicolas Nelle, l'homme est loco. Et l'homme est loco, qu'on n'y a pas de personne. Personne, depuis que j'ai bâti, c'est pour les années, personne ne m'a jamais fait un tel scénario. Comment un frère peut aller dans l'eau avant moi? Mais il est de quoi que je n'ai pas de c'est moi qui entre dans l'eau et j'appelle les gens. Là, il n'a pas de la bête qui bat. Je me suis encore calmé. Ah, le vin, il est liquide. Ce n'est pas fini. Et si l'idée? Maintenant, c'est toi qui dépenses que le premier. Là, il est encore calmé. Ok, j'ai encore commencé à finir prière. Pied droit comme ça. Mais tiens, le goût. Tourbillon. Maï Balouki. Et banni tourbillon à place d'être au rôle. Wouh! C'est facile. En quelques secondes, hein, les tourbillons m'ont foncé en ligne droite comme ça. Wouh! Les eaux sont arrivées ici. Et je ne sais pas nager naturellement. Les eaux ici, aux épaules, j'ai dit juste, Seigneur Jésus, une main invisible, hein? J'ai vu quelque chose me tenir par la tête, soulever des eaux, et me placer au sol. Maintenant, le frère qui avait la guitare, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Il était dans le genouple. Il dit, frère Gabi, vous avez bien? Ça va. Ils m'ont vu avec les habits mouillés. J'étais dans les eaux, mais ils m'ont pris au sol. Mais ils n'ont pas vu là où j'ai fait les pas pour arriver là où j'étais. Et vous voulez dire que le surnaturel n'existe pas? On avait tellement comme que le dieu de Branham est enterré dans sa tombe? Là, j'ai dit, Seigneur, est dans son état. Amen. Et le soutien à la juste cause. Amen. Voilà, je suis pour tout. Alléluia. Je suis un rescapé de la mort. Seigneur, le temps n'était pas encore arrivé. Amen. Vous croyez toujours? Alléluia. Les habits mouillés, personne n'est baptisé. C'est moi-même qui ai été baptisé, c'est une épreuve. Il restait mon zémaï comme moi. Alors quand je suis sorti des eaux, je dis, frère, je suis un commando suicide pour Jésus-Christ. J'ai déjà sacrifié ma vie pour le Seigneur. Je ne crains pas la mort. Je suis venu pour baptiser. Je ne manquerai pas le but. Je dois baptiser. Je ne me laisserai pas effrayer. Le piège a vécu. Et Jésus l'a vaincu. Alors, pour ne pas tenter le Seigneur, remontons les eaux là-bas. Prenons un deuxième cas, une nouvelle adresse. Je suis arrivé, on a prié. Je suis entré dans le plus loin possible que je pouvais. Jusqu'au milieu de la rivière. Je voulais me rassurer que bon, si le Seigneur prend mon âme, c'est à son service, non? Je voulais comme un martyr, je vais me reposer. Na kufeli musala na ye, na zari kati kwa na musala na ye, na kufeli kwa na mutu, oya kufeli musala. Kambo epa ina kolo. Yalo la jie appele mena li kama kata. Yangi batu na li bati. Batu le vini. Mbate le. Pose le question, puis après, piou, dans le rali. Ils sont. Ya beni. Les autres qui étaient là sont venus. Bon, souba ye. Je termine. Et. Ya tombo kaki. Je commençais à dire, Satan, où est-tu mena? Où est ta force? Toi qui peux noyer les gens. Yo, ça dans les toi qui as des crocodiles et des serpents. Yo, je mets dans les maintenant. Si tu as un pouvoir, envoie-moi à ton armée. Ce qui est au sein de la je suis prêt à t'affronter. Silence, si me tiens sur tout le cours d'eau là. Qui m'y a pensé dans ma vie. Après, je te fais. Je suis sorti. Et dès que mon pied, le dernier pied sort des eaux, la même voix du Seigneur revient. Comprends-tu maintenant les songes de tel, il cite le nom de ce sorcier-là, le frère-là. Et du coup, la scène me revient. Le songe pour lequel j'avais refusé de prier. Ah, or c'était un complot de sorciers. Mais un sorcier appelé frère. Mais il a des échoues. J'ai compris et j'ai classé dans l'histoire. Et la marche avec Dieu continue. Nous l'aimons de tout notre cœur. Continuons avec Frère Branham ici. J'ai dit ceci pour vous encourager à croire. N'ayez peur d'aucune épreuve. Notre Seigneur a vaincu même la mort et les séjours de mort. Il a donné un signe. Lui le rédempteur, le parent rédempteur. Ou un témoignage à l'extérieur des portes de Jérusalem. Il a été élevé entre les cieux et la terre. Et nous venons de lire que quand lui devait être élevé, il allait attirer tous les hommes à lui. Et il est mort et il a tout racheté. Mais par son sang, il a sanctifié une église dans laquelle il puisse vivre lui-même. Et avec laquelle il puisse fraterniser. Être en communion. Ce lieu de communion qui était perdu depuis le jardin d'Eden. Où Dieu descendait chaque soir. À l'heure de la réunion. Avez-vous remarqué? Dieu descendait dans la fraîcheur du jour au coucher du soleil. Souviens bien ceci. Il y a quelque chose de spécial quand il commence à faire nuit. Chaque jour quand la nuit commence. Quand il commence à faire lui, il y a quelque chose de spécial. Quelle est cette chose spéciale? Les gens pensent à l'église et à Dieu. Les chrétiens, ils se mettent à penser à l'église et à Dieu. Est-ce que toi, mon frère, toi, ma soeur, as-tu cette chose spéciale dans ta vie de tous les jours? Chaque fois le soir, quand il commence à faire nuit, nos pensées vont à Dieu et à l'église. Jour de culte, et même le jour où on n'a pas culte. Quand il commence à faire nuit, nous pensons à Dieu et à l'église. C'est quelque chose de spécial que les chrétiens possèdent. Mais ceux qui n'ont pas ça sont capables de traverser même un jour, un soir où il y a un culte, hein, sans qu'ils n'aient pensé à ça. Bah, qu'on se trouve. Hé, l'obéquille était zaraki. Ah! Quelle éperdition! N'arrivez pas jusqu'à là. Réveillez-vous, vous qui dormez. Voilà, voyez, le soleil s'est couché. Vous prenez conscience de ce que votre soleil se couche. Et dans la fraîcheur du soir, il descendait pour avoir communion avec eux. Et il a perdu cette communion parce que le péché l'empêchait de la voir. Alors il a été pécheur et il a habité parmi nous. Afin de pouvoir revenir de nouveau à l'homme et vivre dans l'homme et ramener l'homme à son état de communion avec lui et lui rendre son droit que Dieu lui avait donné. Voilà ce qu'il a fait en envoyant le Saint-Esprit. C'est cela le but du Saint-Esprit. C'est le Père. Et nouveau Dieu le Père qui habite en vous. Qui accomplit ses plans. Pour terminer son plan de rédemption. Qui œuvre à travers vous. Et qui fait de vous un co-ouvrier avec lui. Qui vous donne une place. Qui vous donne une part pour votre frère et pour vous. Et votre sœur péché. Il vous donne son esprit. Et son amour. Pour aller à la recherche de perdu. Comme il l'a fait dans le jardin d'Éden. Adam, où es-tu? Adam, tu n'as pas à craindre le niveau de leur incrédulité. Tu n'as pas à craindre l'état de leur hostilité. Le Saint-Esprit vient pour convaincre le monde. Quand il vient en toi, tu vas affronter ces incrédules. Tu iras rencontrer ces incroyants là. Les sceptiques infidèles là, tu ne craindras ni leur réputation, ni leur langage. Alors le Saint-Esprit vient pour convaincre le monde. Est-ce que vous me saisissez? Voilà ce que le Saint-Esprit fait à un homme ou à une femme. Quand il pénètre leur cœur et qu'il établit sa demeure, il y a une soif et une faim pour les âmes perdues. Voyez-vous le troisième but? Convaincre le monde de pécheurs et d'incrédules. Tu ne pas que tu as le Saint-Esprit et laisser les gens vivre dans les péchés. Le Saint-Esprit ne te laissera jamais tranquille. Il t'enverra vers les âmes perdues. Pour les aider à entendre et à croire. C'est le troisième but du Saint-Esprit. Vous dites amen. Ça ne peut pas te laisser indifférent. Inactif. En train de les condamner sans cesse. Non, tu iras leur présenter le salut. La possibilité d'être sauvé. C'est un objectif du Saint-Esprit. Si toi, tu ne le fais pas parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. S'il est là, tu feras ça. Qui dit amen? Voilà ce qui cloche avec les réunions aujourd'hui. Elles n'ont pas assez la touche de l'esprit pour aller chercher les âmes perdues. Les décès qui sont mourants. Il n'y a pas assez de touche de l'esprit. Nous tenons des réunions toujours entre nous. Où sont ceux qui ont le Saint-Esprit pour amener les âmes à Christ? Pour attirer les pécheurs à l'église. Parce que Christ est déjà élevé à Golgotha, il voulait attirer tous les hommes à lui. Vous voyez? Il y a quelque chose qui cloche. Avec le genre de Saint-Esprit dont nous parlons. Dimanche après dimanche, toujours les mêmes. On n'invite personne et personne ne vient. Il y a quelque chose qui cloche. Quel esprit avez-vous? Il s'agit plutôt de se donner une renommée. Et dans le moment où il pèse ça comme mon gomoye. Ou une église. C'est ce que les gens les cherchent, hein. Ils se donnent une renommée. Ils cherchent une réputation d'être fier. Ou être une certaine église. Ou avoir un édifice. Ou une dénomination. Au lieu d'un programme destiné à gagner les âmes. Quelle pitié. On pourrait s'attarder longtemps là-dessus. Pensons-y, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit est donné pour convaincre le monde. As-tu convaincu le monde? Ou les habitants du monde qui passent dans ton rayon? Est-ce que tu leur as présenté l'évangile du salut? La vie chrétienne exemplaire? Pour que ta vie soit une prédication pour eux? Est-ce que tu le fais? Toi, tu ne le fais pas. Tu deviens une masse isolante qui empêche le progrès de l'évangile. Tu deviens un obstacle au progrès de l'évangile. Mais nous devons être des transmetteurs. Ce que nous recevons de Dieu, transmettons les autres. Et ils ont passé la touche de l'esprit. Pour chercher les âmes des perdus. Tu as entendu? On ne peut pas penser ça. Si tu as le Saint-Esprit, il est présent. Quand tu n'en as pas, c'est la même rhétorique qui va continuer. La même vieillerie. Les mêmes coutumes, les mêmes habits. Dieu nous aide. Avez-vous aimé l'évangile? Okay. Nous allons tenir debout maintenant. Pour prier. Appelez Dieu sur la scène. Nous n'avons pas assez de touches de l'esprit. Vous témoignez du Saint-Esprit. L'église ne veut pas rester dans cet état. On doit traquer les pécheurs. Nous devons les inciter. Nous les attirer à Christ. Et nous verrons que chaque chrétien doit être le sel de la terre. Pour donner de la saveur, donner le goût aux autres de venir à l'évangile. Jésus-Christ est ma sagesse. Il est Jésus-Christ est le bonheur. Cantique Hosanna. Le verset 16. Non, le cantique numéro 16, plutôt, excusez-moi. Jésus-Christ est ma sagesse. Deux. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Et je marche à ma faiblesse. Qu'on lui passe à ce roman. Oh, il est clair, c'est mon chemin. Il est clair, c'est mon chemin. Et je marche à ma faiblesse. Mon départ, ça sera. Jésus-Christ, c'est ma justice. À toi, Jésus, à toi, Jésus, à toi. dans l'amour de Dieu, l'humilité. Implorons sa miséricorde. Réclamons plus d'humilité. Pour voir sa puissance en démonstration. De mieux en mieux dans nos vies personnelles. Que notre témoignage soit un puissant témoignage. Christ est vivant. L'ange discernera dans son message. Performa les miracles. Accomplissant les signes, les prodiges. Lorsque nous raisonnons, nous réfléchissons nos propres raisonnements. Nous renonçons à nous-mêmes. Dieu peut nous utiliser. Il peut nous montrer sa gloire. Renonçons à nos raisons, à nos arguments. Prenons la foi. Croyons tout ce qu'il a dit. Prions chacun maintenant. Seigneur, nous ramène les croix seulement numéro 134, page 41. J'écoute la voix des bergers. Ben on dit des airs sombres et tristes, appelant les brebis perdus, égarés de la bergerie. Ramène, ramène-le, ramène-le. La vie mais je ramènera pour ramène-le, ramène-le près de Agir. Église ramène-la, je ramène-la. Et sans été la vie. Je ramènera, oh ramène-le, ramène-le, peut-tu agir. Tu es déjà servant, péché, avec trouvé tous les. Thank you. faisons ce travail. Amen. Le Saint-Esprit est venu pour ça. Amen. Pour convaincre le monde. Amen. Les infidèles, les athées, les incrédules, les sorciers, les magiciens, toute la création. Convaincre que la puissance de Dieu existe. Et elle travaille avec nous comme ambassadeur de Christ. Par la foi, tout est possible. Prions. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous te remercions pour cette belle matinée que nos âmes ont passé dans ta sainte présence à écouter l'évangile du salut, la parole restaurée qui nous redonne foi et espoir, qui nous donne force et courage, qui nous équipe de la puissance d'en haut et des possibilités surnaturelles. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour chaque promesse que tu as faite. Tu veilles sur elle pour l'exécuter. Notre foi y croit et veille à prochain. Bénis cette église qu'elle soit véritablement un tabernacle de chrétiens. Des gens qui chaque soir danseront à Dieu et à l'église. Ayant quelque chose de spécial au-dedans d'eux. Une cloche surnaturelle. Un réveil surnaturel. Pour nous ramener chaque fois dans ta présence. Et nous sortir de mondanité. Nous détacher de suivre et piété. Pour persévérer dans la sanctification. Exauce nos prières. Bénis les nôtres. Où qu'ils soient, protège-les et console nos cœurs. Partout où il y a affliction et preuve, donne-nous des victoires militaires. Guéris chaque maladie, Seigneur. Donne la force aux faibles. Donne le salut aux perdus, Seigneur. La naissance à ceux qui le désirent. Le baptême du Saint-Esprit à ceux qui en ont soif. Au nom de Jésus-Christ, Dieu est de vérité et de la main. Nous prions ainsi. Amen. Veuillez vous asseoir et que l'amour de Dieu remplisse